sort dans la bouche. Tu sens sur les mains, j'ai le flow qui te couche. Le flow que tu craches, je suis point un faux cul. Je suce pas des beats, je n'ai pas en but de produire des hits. Beast illicite, bise réussite. J'ai cité ces mots sous emprise des shit. La chance se mène vite, ma vie défile vite. Défile autour des jambes, pêche à ma fuite. Encore une grosse cuite, car la haine m'habite. Et la haine m'habite pendant que l'amour me quitte. Elle a quitté mon cœur, quitté mon âme. Ces sentiments diaboliques ont voulu que je crame. J'ai trop cramé de temps, trop cramé ma vie. Le chétan dans une femme se cache, se maquille. Derrière la beauté d'une rose, la chaleur du soleil se cache une fleur fanée, arrosée des larmes du ciel. Puis les pages se courent, l'oubli trouve pas sa place. Ça tranche l'intérieur, pas évident de faire face. Quand tu tombes dans le piège, tu te remets en question. Affaibli par les épreuves et un manque d'affection. J'ai cherché mes erreurs, trouvé des réponses. Sache que ce n'est pas de ma faute, ni celle de la défense. Je suis comme je suis, c'est vrai que je parle mal. C'est vrai que mes insultes sont gratuites et banales. Mais ça fait partie de moi, personne peut changer un homme. Si tu vois que mes défauts, je ne suis plus un homme. Tu peux dire ce que tu veux, mais traiter d'animal. Mon instinct reste assis jusqu'au jugement final. Tu n'aimes pas mon langage, pas mon attitude. Grosse pute, t'aimes ma bite car elle t'emmène en attitude. Je poursuis en certitude, pas par habitude. Mon caractère est fort parce que la vie l'a rendu rude. Je suis pas une racaille, non, pas un rappeur. Mais ces rimes me libèrent de ma haine, ma rancœur. Cette musique me guide, grâce à elle moi j'avance. Je m'en bats, c'est pour vous, je me suis trompé de sens. Laissez-moi être comme je suis, laissez-moi vivre ma vie. Gérer vos problèmes, moi je fous pas dans vos soucis. Je ne m'arrêterai pas le temps que je serai là. Mes textes vont en plus qu'une chaîne de 24 carats. Dans ta gueule, elle ne te ça se respecte comme un flingue dans ta gueule. Eh hey ouais, j'ai trop de pression, fais péter le caisson. Agressant, ne cessons pas sous l'impression. Je descends trop charmé, mais peu de sous trop de bondé. Comptez sur moi jusqu'à la mort, je vais gronder. Du freestyle, du vrai rap, des délires, des vrais ça. Pas de bling bling, ni trop de caisse, mais t'inquiète, j'allais ça. Un big up à Egypte, un big up à Emir, Kadhafi, Army, on construit notre empire. Ça s'empire, ça s'endure, cousin, mets la ceinture. Sois sur tes gestes, car cet état nous encule. Les gens culs, c'est guignols qui se mettent à faire du rap. On peut pas se permettre qu'une autre musique dérape. Et j'éclate, j'éclate, j'éclate, j'éclate, j'éclate. Un grand ouinge pour respirer. C'est 21 ans, on suffit pour m'inspirer. Trop de trucs à dire, mais par quoi commencer? Je me pose trop de questions, comment avancer? J'ai perdu la force, mes actes sont forcés. Mes envies disparaissent, soudées, je vois encorser. Je réfléchis sur ma vie en étant défoncé. Je cherche les mots que je souhaite prononcer. J'essaie de m'en sortir, je suis trop influencé. Dans les bras du mal, mon cœur s'est glacé. J'ai passé beaucoup trop de temps à jacasser. Mes plaies fermées ne seront jamais effacées. J'en ai eu assez, mon destin m'a cassé. L'amour que j'avais, la haine l'a rendu. Ah, c'est impossible de se placer dans cette société qui n'a fait que de me déplacer. J'ai tracé un trait parce que je voulais recommencer. Mais la vie que je mène n'est toujours pas sans. Je n'ai pas peur de vivre, pas peur de mourir. Pas peur de me battre, pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de vous, pas peur de détruire. Inch'Allah que je partirai en martyr. Je n'ai pas peur de vivre, pas peur de mourir. Pas peur de me battre, pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de vous, pas peur de détruire. Inch'Allah que je partirai en martyr. J'ai vécu dans les eaux, la douleur dans la peau. Impossible de la sortir, même à coup de marteau. Dans ma tête, trop de photos, ma nostalgie, un défaut. Je me rappelle trop souvent de ce putain de ghetto. On était enfermés comme de sauvages animaux. Je reste musulman malgré tous ces mots que nous portons, nous, et ils nous portent si haut. J'ai vu des gens mourir en allant chercher de l'eau. Il n'y avait rien dans le frigo, les coups de feu trop brutaux. Trop de larmes ont couvert les chambres de l'hosto. J'ai perdu trop de famille dans ce sale fiasco. Tous partis pour se battre, venus sous le drapeau. Des morts qui couvrent la route, allongés sur le dos. Autour d'eux, il y avait du sang sec à gogo. Pourtant, nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous rivaux. C'est l'oseille qui fait de nous des êtres cruaux. Je n'ai pas peur de vivre, pas peur de mourir. Pas peur de me battre, pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de vous, pas peur de détruire. Inch'Allah que je partirai en martyr. Je n'ai pas peur de vivre, pas peur de mourir, pas peur de me battre, pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de vous, pas peur de détruire. Inch'Allah que je partirai en martyr. C'est pour la Bosnie, pour ceux qui ont laissé leur vie. Ces années d'enfer ne tomberont pas dans l'oubli. Je pousserai mes cris, je crierai mes écrits, je crierai ces scènes auxquelles je repense dans mon lit. Et mon grave et mon esprit, mon grave et toute la vie m'ont fait grandir trop vite, tellement presque détruit. Je me bats pour eux, pour ceux qui sont plus là, pour mes uncles et cousines tombés dans le combat. C'est ainsi que je vous honore et ça ne s'arrêtera pas. Tous les soirs avant de dormir, je vous offre une fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.